dans cette cause. Salamé à Midjan. Enrique Didia. Ça c'est Ferregola. Qui est derrière toi? Coco Claudia Sassou. Maman a Beyoncé. Igor Balou, le leader de l'océan. Ali Rosé, le scénario. Ici, il m'a dit le papa de Chipemi de Mimanaja. Samin Dombasi, Dalai Lama. Bosco Sakata. José Congo, Maya Pembe. Mirai Kassika, la japonaise. Rambo Chobiz. Come on. parler bango. Allez, faro, faro, faro. Quand t'as connu qui sont son attention. Robin, ici mon gars, c'est bien. Allez, faro, faro, faro. Tango mokokimo pona motema molingi.